Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Inch'Allah, sauf à notre fille, bidat, هذا النضل العظيم الذي يعتبر بابا في مصطلح الحديث البيقونية. قال الناظم عليه رحمة الله. Donc la poésie qui concerne la science du hadith, cette poésie qu'on appelle al-bayquniya, elle commence par cela. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسلا وذي من إقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. من يريد أن يحفظ البيغونية؟ تمام، الذي يحفظه جيد. و il est Salès, le poème, Al-Bayquniya, il est simple, il est doux à apprendre, facile à apprendre, comme l'autre, comme celui de Qawa'id al-Fiqhi. Alladhi yahfaz lillahi darru. Donc il a commencé tout d'abord par la louange. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayr an-nabi ursila. Je commence par la louange. La louange de qui, Muslim? La louange d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi il a pas invoqué Allah? Pourquoi il a dit abda'u bilhamdi musalliyan ala? Il a pas dit abda'u bihamdillah. لأنه معروف أولا، وثانيا لمناسبة النظم، afin que cela puisse rentrer dans la poésie. نعم. طيب محمد خير النبي أرسلا. محمد le meilleur des prophètes qui a été envoyé. هذا باتفاق المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الرسل. Ça c'est l'unanimité des savants sont sur le fait ou s'accordent sur le fait que le prophète Mohammed est le meilleur des messagers qui a été envoyé à une communauté et que sa communauté est la meilleure des communautés. Tout ça c'est des masaïl ijma'iyya. طيب وذي من اقسام الحديث عدة. Ceux-ci font partie des catégories des nombreuses catégories du hadith. Ceux-ci, c'est-à-dire ce qui va venir dans cette poésie. Ce qui va venir dans cette poésie fait partie des nombreuses catégories du hadith. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Et chacun est venu et a défini l'une de ces catégories. Ça, chacun est venu, c'est-à-dire chacun parmi les ulama est venu et a défini l'une de ces catégories. Par exemple, il est venu, il a dit le hadith al-da'if, c'est ceci et cela. Le hadith al-maqloub, c'est ceci et cela. Et il a évoqué sa définition. Tamam. Yani juste une petite faïda que vous pouvez noter. ما معنى الحديث؟ الحديث في اللغة الجديد من الأشياء. الحديث ما معنى؟ الحديث في اللغة dans en langue arabe, le hadith c'est la nouveauté parmi les choses. وهو ضد القديم. وهو ضد القديم. Et c'est le contraire de la chose ancienne. Ça, c'est selon la langue arabe. Mais en ce qui concerne le linguistique des gens du hadith, le hadith, كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, c'est tout ce qui a été attribué au prophète عليه الصلاة والسلام comme parole de sa part, comme parole provenant de lui. Comme parole venant de lui ou comme acte. Ou comme chose ayant suscité son approbation. Ou comme chose ayant suscité son approbation. Ou des attributs qu'il avait. Ou des attributs qu'il avait. Jusqu'à ses mouvements, les mouvements qu'il pouvait faire. Filiyakada walmanam. Jusqu'au mouvement qu'il pouvait faire dans, en temps d'éveil et en temps de sommeil. Tout ça, ça rentre dans la définition du hadith, comme l'a évoqué Sahib Fath al-Mughith. طيب وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.